الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Il reste un point avec lequel je veux conclure ce chapitre sur la syntaxe coranique, à savoir la fameuse shubha des erreurs syntaxiques dans le Coran. Shubha propagée par les orientalistes et les détracteurs de l'islam de manière générale. Bon, je rentre directement dans le sujet. Premièrement, personne ne conteste que les Arabes au milieu desquels le Coran a été révélé étaient les maîtres dans l'art de la rhétorique et l'éloquence, comme en témoignent leurs poèmes. Et pourtant, aucun d'eux n'a décelé une erreur de langage dans le Coran. Les mécréants d'entre eux cherchaient la moindre lacune dans le livre d'Allah pour l'attaquer. Et pourtant, ils n'ont pas trouvé dans le Coran les prétendues erreurs découvertes par les non-arabes qui ont appris quelques règles grammaticales et ont pensé cerner la science de la grammaire ou la vaste langue arabe. Deuxièmement, c'est que la langue arabe se transmettait oralement. Son éloquence se transmettait oralement. Il se transmettait oralement par les Arabes dans le passé. C'est-à-dire que l'arabe de l'époque n'apprenait pas à ses enfants les règles de la grammaire et ensuite la langue. Non, l'apprentissage se fait naturellement, spontanément, sans règles, et ce jusqu'au deuxième siècle de l'Hégire. Au deuxième siècle de l'Égypte, qu'est-ce qui est arrivé? Les non-arabes sont entrés en islam. L'islam s'est propagé et là, les Perses, les Romains, les Turcs ont embrassé l'islam. Et là, le barbarisme commence à s'infiltrer, à contaminer la langue arabe et commence même à toucher les Arabes aussi. Les savants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben pour protéger la langue arabe, pour protéger le Coran, ils ont émis des règles. D'accord? Avant ces règles-là, avant la codification de la langue arabe, les tribus arabes ne respectaient pas les mêmes lectures des énonciels. Il y avait des différences entre elles, mais chacune d'elles avait sa propre éloquence et ses propres poètes. Leurs poèmes se distinguaient les uns des autres. Et d'ailleurs, cette diversité rhétorique, linguistique, avait enrichi la langue arabe. C'est ce qui a rendu la langue arabe plus vaste. Pour qu'un élève du primaire ou du secondaire en grammaire, ou voire un docteur en langue arabe ou un linguiste de renommée puisse cerner. Rappelons ce qu'a dit l'imam Shafi'i à ce sujet. Il dit « La yuhitu billughati illa nabi ». Seul un prophète peut embrasser toute la langue arabe de science. Personne ne peut prétendre qu'une telle et telle tribu arabe est moins éloquente ou a commis des erreurs de style, des erreurs grammaticales, parce que juste son langage n'obéit pas aux règles qu'il a apprises à l'école. Autre chose, c'est que ces règles-là, établies par les grammairiens, ont été établies d'après le langage, le parler le plus répandu de la langue arabe. Le parler, le arabe, vous savez, il est vaste. Et quand les grammairiens ont voulu codifier la langue arabe, ils l'ont fait d'après le parler le plus répandu. Mais cela n'implique pas que des tribus arabes dont le parler n'a pas été pris en considération dans la grammaire sont moins éloquents, ou qu'ils parlent mal, ou qu'ils commettent des erreurs de prononciation, quelque chose de ce genre. Exemple, nous avons appris à l'école, ça c'est très important, ça c'est des informations préliminaires qu'on peut utiliser, qu'on va utiliser inchallah dans notre argumentation. Donc je vous donne une idée, de ce qu'est la langue arabe, de ce qu'est la langue arabe et de la grammaire, d'où comment on a déduit ces règles, etc. Donc, je donne ici un exemple. Nous avons appris à l'école qu'on ne met pas dans une phrase verbale, on ne met pas le pronom qui remplace le sujet et le sujet lui-même. Exemple. On dit la'ibal atfalou. La'ibal atfalou. Les enfants ont joué. La'iba fait al-mad, mabni al fath. La'iba, c'est un verbe au passé. Bon, il est mabni, indéclinable. Et l'atfalou, les enfants, c'est le sujet. C'est le fa'il marfou' bid-damma al-zahira ala akhirah. Donc, on dit la'iba al-atfal. Mais on ne dit pas la'ibou al-atfalou. La'ibou al-atfalou. Ben pourquoi? Ben parce que comme on l'a appris à l'école, on ne peut pas mettre le pronom et le nom qu'il remplace en même temps, dans une même phrase. Là, j'ai l'aribou, j'ai le verbe l'ariba, et j'ai le pronom waou qui remplace le sujet. Puis j'ai l'atfal. Donc l'ariba, après l'ariba, il y a le waou, l'aribou, je prends cet exemple-là, l'aribou, et le waou, il remplace le sujet qui est l'atfal. Puis j'ai le nom qui est le sujet remplacé. Là, j'ai deux sujets. J'ai deux sujets. Si je dis. Soit je dis l'arib al-atfalou, soit je dis l'aribou. Faut que j'enlève un des deux sujets. C'est ce que j'ai appris à l'école. Et pourtant, cette manière de parler se trouve dans la langue de la tribu de Taï'e, une des tribus arabes éloquentes. Ils disent Ja'u al-muslimoun. Alors que nous disons Ja'a al-muslimoun. Ja'a al-muslimoun. Eux, ils disent Ja'u al-muslimoun. C'est un langage éloquent de la tribu de Taï. D'accord? D'ailleurs, la tribu de Taï compte d'éminents poètes, d'éminents orateurs et d'éminents rhétoristes. L'un de leurs poètes disait Ra'ayna al-ghawani al-shayb laha bi'aridi, fa'aradna anni bil-khudud al-nawadiri. L'un de leurs poètes, il a dit رأينا الشيبة ورأينا الغواني الشيبة لا لاح بعارضي فأرنا عني بالخدود النواضري رأينا الغواني les belles filles ont vu les cheveux blancs envahir ma barbe et ont trouvé et ont tourné leur visage ailleurs au point que je ne voyais que leurs belles joues فأرنا عني بالخدود النواضري. Le poète il a mentionné le pronom qui remplace le sujet رأينا رأينا. Alors que moi, comme ce que j'ai appris dans la grammaire, je vais dire ra'atil ghawani, ra'atil ghawani. Ra'a, le verbe ra'a, fi'l mad, mabni, et ta'nit, ta'nit, sakina. Et puis le ghawani qui est le sujet, fa'il. Lui, il a dit ra'ayna al ghawani. C'est-à-dire, il a mis deux sujets dans une même phrase. Il a mis le sujet qui est remplacé, qui est le pronom noun, noun, noun niswa, qui remplace le sujet. Et puis, il a marqué le sujet juste après, le rawani. D'accord? Donc, dans le phrase, d'une même phrase, et le pronom, et le sujet que ce pronom-là désigne. Donc, pour moi, c'est comme si je vois une erreur. Mais est-ce une erreur? Non. Mais c'est la langue de son peuple. C'est la langue du peuple de ce poète-là. Et c'est une langue qui est éloquente. D'accord? La grammaire arabe n'embrasse pas tout le parler arabe avec ses règles, puisque la langue arabe est très très vaste. Et subhanallah, cette langue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé selon cette langue dans un hadith. Il a dit يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِالْلَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ. Les anges du jour et les anges de la nuit se succèdent pour vous protéger et ils se réunissent à la prière du Asr. D'accord? Puis le groupe qui a passé la nuit, il remonte au ciel et Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, comment vous avez trouvé mes serviteurs? Ils lui disent, nous les avons trouvés en train de prier et nous les avons abandonnés en train de prier. De toute façon, le shahid, Ce que je veux dire, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a employé le verbe yata'aqabuna fikum. Alors que moi, d'après ce que j'ai appris des règles de la langue arabe, yata'aqabu, je vais prononcer yata'aqabu fikum mala'ika. C'est comme ça que je prononce. Mais là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis dans le verbe, il a mis le pronom qui remplace le sujet, à savoir le mala'ika. Yata'aqabun au lieu de yata'aqabu. Et donc ça, c'est un langage, c'est une langue de taille. C'est une langue de taille. Voilà, nous sommes habitués à l'emploi de ce verbe-là, yata'aqab. On n'emploie pas le pronom qui remplace le nom qui le suit, le sujet qui le suit. Un autre exemple, nous, par exemple, nous sommes habitués à l'emploi de Al-Ladina, qui est un ism mausul, un démonstratif. Al-Ladina, inna al-Ladina amanu. Maintenant, si un petit arabe de la dernière époque entend Al-Ladou ou Al-Ladouna, il va dire que c'est une erreur. Alors que finalement, c'est lui qui se trompe, puisque Al-Ladou était employé par les arabes anciens. Les Banu Aqil utilisaient Al-Ladou au lieu de Al-Ladina. Ils utilisaient Al-Ladou, Al-Ladouna. L'un de leurs poètes a dit « Qawmi Al-Ladou bi'ukadin tayyaru shajaran min rousi qawmika darban bil-masaqili. Qawmi Al-Ladou, mon peuple, les membres de ma tribu, Al-Ladou, Al-Ladina. » C'est-à-dire, au lieu de dire Al-Ladina, il a dit Al-Ladou bi'ukadin. Bi'ukad, c'est un marché où se réunissent les Arabes, bi'ukadin tayyaru shajaran, c'est-à-dire ils ont créé vraiment ils ont créé la polémique, ils ont fait des dégâts. Qawmi alladhina alladhu bi'ukadin tayyaru shajaran. Donc lui, il a employé alladhu au lieu de alladhina. D'accord? Donc il n'est pas permis à un petit arabe d'aujourd'hui de dire que ce poète s'est trompé, parce que cela n'obéit pas à ces règles de syntaxe, les règles grammaticales. Hein? Un petit arabe va s'exclamer et va dire « Oh, Al-Ladou est une erreur. » Non? Comme notre poète, il dit « Nahnu Al-Ladouna sabbahu sabaha yawma an-nakhili gharatan milhaha. » Nahnu Al-Ladouna, nous. Nous, Al-Ladouna. Il n'a pas dit Al-Ladina. Or, Al-Ladouna, c'est une langue arabe éloquente. Un poète de la tribu de Houdil, il dit Humu al-la'una fakku al-ghalla anni bimirwi shahajani ila al-janahi. Humu al-la'una, ce sont ceux-là qui m'ont détaché, qui ont détaché le carcan qui m'attachait. Humul la'una. Il n'a pas dit al-la'i. Nous nous sommes habitués à l'emploi de la'i, al-lati au féminin. Hein? Quelqu'un peut dire que le poète de Houdail s'est trompé? Non, pas du tout. La langue de Houdail est une langue éloquente et elle constitue une référence pour la langue. Ce sont ceux qui prétendent que c'est une erreur qui se trompent et qu'ils doivent apprendre davantage la langue arabe. Ça, c'est un autre point. Qui a établi les règles de la grammaire et d'où il les a déduites? Les initiateurs de la grammaire, qui sont-ils? Abu al-Aswad al-Du'ali, al-Khalil, al-Farahidi, Sibawayh, al-Kisa'i, al-Farra, Ibn Jinni, Ibn Naftawayh. Hein? Ces géants de la grammaire, d'où ils ont tiré les règles de la grammaire? Ils ont tiré du Coran. C'est le Coran qui est la référence et non l'inverse. C'est le Coran qui est le juge et non l'inverse. Ce ne sont pas les règles de la syntaxe et la grammaire qui vont juger le Coran. C'est le Coran qui doit les juger puisqu'il est, il les précède, il est la référence. Maintenant, je vais passer aux prétendues erreurs. Quelles sont ces erreurs-là? Ils ont dit, voilà, le verset suivant. إن هذان لساحران إن هذان لساحران إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. C'est dans Sourate Taha. إن هذا لساحران. Ils disent que la particule إن Inna, vous connaissez la particule inna, et ses sœurs, inna, leïta, inna, anna, lakinna, leïta, la'allak, etc., est une particule qui régit à l'accusatif le sujet, le mubtada, tansab le mubtada, n'est-ce pas? Et elle régit au nominatif, le prédicat, wa tarfa'u al-khabar. Et donc la phrase, ils disent, la phrase devrait être, inna hazayni la sahirin. Ça, on dit, inna al-walada mujtahidun. Bon, elle régit, le walad, il est au mansoub, il le régit à l'accusatif, et puis le khabar, le prédicat qui vient après, mujtahidun, il est marfou, il est au nominatif. Ils disent normalement, c'est comme ça, bah, in hazaini la sahireini, hazaini, c'est un démonstratif au duel, et le démonstratif au duel, qui est régi à l'accusatif, doit être prononcé comme ça, hazaini, et non pas hazani, le alif doit se transformer en ya. C'est ce que nous avons appris à l'école. Hadaini, in hadaini, non pas, mais dans le verset du Coran, c'est cité, in hadani la sahiran. Hadani, lorsqu'il est au nominatif, marfou, il est hadan. Lorsqu'il est à l'accusatif, mansoub, il est hadain. Et lorsqu'il est au génitif, majrour, il est hadaini aussi. Zahabtu ila hadaini al-baladain. Je suis allé à ces deux pays. Hadaini ila, c'est une préposition qui gère au génitif al-baladain, les deux cités, les deux villes. Baladaini ila maksor. Et donc, il doit prendre le ya et non pas le alif. On ne dit pas baladan, mais on dit al-baladaini. C'est ce que nous avons appris à l'école. Oui, je rappelle, inna hadani le sahiran, c'est le verset qui se trouve dans Surat Taha. Il se lit de cette manière d'après Nafi' Hamza al-Kisa'i. D'accord? Donc, pour les frères qui lisent, la majorité, les frères en France ou en Europe, ils lisent selon Hafs an Asim, riwayat Hafs an Asim. De toute façon, la qira'a de Asim et la riwayat de Hafs, ils ne lisent pas inna hadan. Ils lisent in hadan. In hadani la sahiran. Mais là, eux, ces détracteurs d'islam, ils s'attaquent à cette lecture en particulier, à savoir la lecture de Nafir et de Hamza et de l'Kisa'i. Hein. Les Marocains, par exemple, ils lisent In hadani la sahiran. Donc ils disent non, normalement, il doit se prononcer In hadani la sahiran. Pour In hadani la sahiran, c'est normal. La sahiran, c'est la phrase, elle est bonne selon nos règles de grammaire. Mais pour eux, inna hadani la sahiran, ça pose un problème. Inna hadani. Donc eux s'attaquent à cette lecture-là. Bon, pour répondre à Situba, je dis qu'il existe des tribus arabes éloquentes du Yémen, comme la tribu de Zabid, la tribu de Khatam, de Hamdan, de Ben al-Harith ibn Ka'b, qui maintiennent le alif dans le duel. Vous savez, le duel, c'est deux. Hazan, deux. Le duel, c'est ce qu'on appelle le Muthanna, le nom au duel. Il maintient le alif du duel, quel que soit son état syntaxique. Qu'il soit régi au nominatif, qu'il soit marfou, ou à l'accusatif mansoub, ou au génitif majeur, le alif reste et n'est pas remplacé par le ya. Ils disent « qabaltu rajulan ». J'ai rencontré deux hommes. Qabaltu rajulan. Alors que nous, d'après nos règles, on dit qabaltu rajulain. Et c'est un maf'oul bih mansoub. Il est mansoub, il est à l'accusatif. Donc le alif se transforme en ya et je dis rajulaini. Mais eux, non. Ils disent qabaltu rajulan. Qabaltu rajulan. Sallamtu ala rajulan. Ils disent, voilà, j'ai salué les deux hommes. Rajulan, il est normalement au génitif. Il doit être majrour. C'est-à-dire qu'il doit comporter lui un rajulain, mais eux ils disent non, rajulain, salam tu ala rajulain. Donc on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un barbarisme, puisque des tribus arabes de pure race, si vous voulez, et des tribus arabes éloquentes, le prononcent de cette manière. L'un des poètes des Ben al-Harith disait, Haubar, il s'appelle Haubar al-Harithi, il dit Tazawwada minna bayna udhunahu ta'natan. دعته إلى هاب التراب عقيم تزود منا بين أذناه ضربة إلى reçu de notre part entre ses oreilles un coup بين أذناه بين bon c'est un ظرف et أذناه normalement on doit prononcer أذنيه parce qu'il est majrour il est régi au génitif par la préposition qui le précède, à savoir Beina. Beina udunayhi, entre ses deux oreilles. Ça veut dire qu'il a reçu un coup entre ses deux oreilles, ça veut dire qu'il a reçu un coup sur sa tête. Donc udunayhi. Mais là, le poète, il dit Beina udunahu. Il a employé le alif au lieu du ya. D'accord ? Donc, ce poète, on ne peut pas dire qu'il s'est trompé. Hein? Cette tribu, une tribu qui parle le langue arabe pur et éloquent. Il y a plusieurs poèmes où on constate qu'il garde le alif dans n'importe quel nom au duel. Puisque en langue arabe, on distingue le singulier, le duel et le pluriel. D'accord ? Le duel a une forme à lui seul. Contrairement aux autres langues latines, au français par exemple, il n'y a pas le duel. Le Coran, vous savez, il a été descendu en langue arabe sous ses différentes ahraf, comme on l'a expliqué précédemment. Il a été descendu avec le langage, la langue de Hudayl, de Taï, de Zjanoua et d'autres tribus arabes. Donc il n'est pas étonnant de voir certains passages du Coran révélés selon telle et telle langue. C'est normal. Autre chose, ou autre réponse à cette chouba, c'est qu'il y a des tribus qui transforment toute lettre ya, avec le sukun et qui est précédé d'une fatha, ils la transforment en alif. Comme dans notre cas, dans notre verset. Hazain, ils disent pas hazain, ils disent hazan. Parce que le ya comporte le sukun et la lettre qui la précède, hein, elle porte la fatha. Et quand pour eux, quand une ya porte le sukun et la lettre qui la précède porte la fatha, ben le ya se transforme spontanément en alif. Il la prononce hadan. C'est courant chez certaines tribus arabes. Les grammaires, les rhétoristes et les anciens arabes le connaissent très bien. Abu Najm al-Ijli, l'un des poètes, là je donne des arguments, des preuves de poètes anciens. Il chante, il dit واها لسلمى ثم واها واها هي المنى لو أننا نلناها يا ليت عيناها لنا وفاها بثمن نرضي بها أباها إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها. La poésie est poème éloquent. Il dit يا ليت عيناها, alors que nous avons appris que يا ليت, bon, c'est un harf au nasb, c'est une particule qui fait partie des sœurs de Inna, Leita Aineiha normalement. Lui il dit Leita Aineha. Normalement Aineha parce que c'est au nominatif, il est marfou, il est ism Leita, il est marfou et on le prononce avec le alif Aineha. Nous le prononçons avec le ya selon nos règles de grammaire. Mais là, le poète Abu Najm al-Ijli, il a employé le ya à la place du alif. Ya layta aynayha lana wafaha. Ya layta aynaha au lieu de aynayha comme nous connaissons nous. يا ليت عيناها لنا وفاها بثمن نرضي بها أباها. D'accord. إن أباها, c'est normal, même chez nous selon nos règles de grammaire nous disons إن أباها parce que le أبو ça fait partie des cinq أسماء, الأسماء الخمسة, les cinq noms أبو حمو ذو فو etc. Bon, les cinq noms أبو حمو ذو فو أبا, normalement, quand il est au nominatif, il se prononce avec le alif, contrairement aux autres noms. Hein? D'accord ? Inna abaha wa aba abaha qad balagha fil majdi ghayata. Normalement, il doit prononcer Inna abaha wa aba abiha. Wa aba abiha. C'est ce que nous avons appris en langue arabe. C'est un mot d'af ilayh, il est majrour. Donc, normalement, il doit se prononcer avec le ya. Wa aba abiha. Mais là, lui, il a dit wa aba abaha. بلغ في المجد غايتها غايتيها normalement d'après ce que nous avons appris en langue arabe. Mais lui il a dit في المجد غايتها. Donc pourquoi il le fait? Parce que le ya est précédé du fatha, donc le ya se transforme en alif. C'est comme ça que cette tribu là prononce prononce cette forme syntaxique. Donc la parole d'Allah, Inna hazan ila sahiran, est en langue arabe pure, éloquente, connue des Arabes. Mais certains, les détracteurs de l'islam, puisqu'ils n'embrassent pas la langue arabe de leur connaissance, ils pensent que c'est la langue, c'est la grammaire qui dirige la langue arabe et non pas la langue arabe qui dirige la grammaire. Eux, c'est ce qu'ils ont appris de manière académique, ils ont pensé qu'ils ont ça y est tout connu. Autre prétendue erreur, ils disent Allah subhanahu wa ta'ala, votre Coran dit la yanal ahd az-zalimin. Ça c'est dans sourate al-Baqara. La yanal ahd az-zalimin. Mais sincèrement, cette chouba ne mérite même pas qu'on y réponde. Mais ils la propagent, on la trouve dans leurs livres. C'est pour ça bon, je voulais y répondre. Ils disent que c'est une erreur et qu'il faut dire la yanal ahd az-zalimun. Ils disent zalimun est un sujet, c'est un fa'il. Il est au nominatif, il est marfou', donc il est marfou' bil waw لانه جمع مذكر سالم. C'est ce qu'ils disent. C'est un nom pluriel régulier et il doit être au nominatif marfou', donc on doit le prononcer zalimun. La réponse est simple, et que zalimin n'est pas un sujet, c'est un complément. Il n'est pas un sujet, c'est le pacte qui n'arrivera pas au juste. La yanal ahd az-zalimin, mon pacte ne couvrira pas les injustes. C'est sa traduction. Et non pas comme ils prétendent, les injustes n'obtiendront pas mon pacte. Ils ont inversé. Au lieu de faire de zalimin le complément, ils ont fait du zalimin sujet. Et donc c'est lui le sujet, le fa'il et le complément, c'est ahdi. Non, c'est l'inverse. C'est le pacte qui n'atteindra pas, qui n'arrivera pas aux injustes. Ce n'est pas que les injustes n'obtiendront pas mon pacte. D'accord. Et les Arabes connaissent cette forme-là. Ils disent Hazana lahu khair. Celui-là, le bien l'a atteint. Hazana lahu shar. Celui-là, le mal l'a atteint. D'accord. Dans le Coran, il dit Inna alladhina attakhadhu al-ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhilla. Dans Sourate Al-A'raf. Ceux qui adoptèrent le veau, les fils d'Israël, les mécréants d'autres, les fils d'Israël, ceux qui avaient adopté le veau, une colère de leur Seigneur, nalahum, une colère de leur Seigneur les frappera ainsi qu'une humiliation. Donc ça c'est comme réponse. Autre Shubha. Ils ont dit que le Coran s'est trompé dans le verset suivant. Ils disent, voilà ce que le Coran dit. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. C'est dans Sourate Al-Ma'ida. En vérité, ceux qui ont cru, ceux qui ont adopté le judaïsme, les sabéens et les chrétiens, quiconque parmi eux a cru en Allah au jour dernier et a pratiqué le bien, trouvera sa récompense auprès d'Allah. C'est-à-dire, si ces gens-là croient en Allah, croient au Coran, embrassent l'islam, ils trouveront leur récompense auprès d'Allah. Eux, ils disent que c'est une erreur. Pourquoi ? Ils ont dit que ce Coran, il a annexé le nominatif marfou' à l'accusatif, qui est mansoub. Ils ont dit que le waw, qui est un conjonction de coordination pour eux, il dit le waw, il sépare normalement deux mots qui ont une même valeur syntaxique, une même lecture des énonciés. Ils disent par exemple ar-rajulu wal mar'atu. Ar-rajulu ça se termine par la damma et le mar'atu se termine par la damma. On ne dit pas ar-rajulu wal mar'ata. Il dit or ici c'est marqué dans votre Coran as-sabi'un qui est au nominatif, il est marfou'. Et il vient juste après un accusatif, الذين آمنوا والذين هادوا. Il est mansoub. الذين, il est mansoub. إن الذين. إن c'est un harf nasb wa ta'kid. Bon, إن c'est une particule qui introduit l'affirmation, qui exprime l'affirmation et qui régit à l'accusatif le nom qui vient après le mubtada. Et là, les amanu, inna alladhina amanu alladhina hadu, ils sont ils sont au nominatif, ils sont, pardon, à l'accusatif, mais sabiun qui est juste, qui est venu juste après, il est au nominatif. Normalement, il doit se prononcer والصابئين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والصابئين والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر. Ils ont dit d'ailleurs dans la sourate al-Baqarah, c'est marqué sabi'in. C'est presque la même chose, c'est la même chose, et c'est marqué sabi'in. Pourquoi ici c'est sabi'un marfou', et pourquoi dans la sourate al-Baqarah c'est marqué sabi'in mansoub, et aussi dans sourate al-Hajj. Ils ont dit que le waw de conjonction ici est le même waw de conjonction dans la sourate al-Ma'ida, alors que la lecture diffère. Sabi'un. Subhanallah. Les Arabes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient plus éloquents, n'ont pas opposé cette objection au prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'origine, eux, ils prétendent être supérieurs que les anciens Arabes, que Sibawé, que les Arabes qui ont vécu l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'ont attaqué, qui l'ont combattu, comme Abu Jahl, Uqba ibn Abi Mu'ayt, Walid ibn al-Mughira, qui étaient des grands dans la langue arabe, des Arabes éloquents, n'ont pas émis cette objection-là. Ben, l'origine de leur erreur, c'est qu'ils ne voyaient dans le waw, le harf, waw, que la conjonction de coordination, que harf atf, une conjonction de coordination qui lie des éléments de la même classe syntaxique. Or, le waw peut avoir plusieurs fonctions syntaxiques. Sibawé et Al-Khalil ont dit que le waw ici, est un waw istinafiyya, c'est un waw de commencement d'une phrase. Nous avons le waw de commencement, et puis nous avons sabi'un. Le waw de commencement, sabi'un, est quoi? Est un mubtada. C'est comme s'il est le sujet, il commence une nouvelle phrase. Le mot sabi'un commence. Et puisqu'il est un mubtada, il doit être marfou'. Il doit se prononcer sabi'un et non pas sabi'in. C'est un waw isti'nafiyya, waw de c'est un waw de commencement. D'accord? C'est une nouvelle phrase. Et puisqu'il est au début, il est au nominatif, il est marfou', comme nous le savons, langue arabe, au sabi'un. Donc, ce waw-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a, en quelque sorte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rompu le régime syntaxique régi par inna. Il a rompu, il y a une rupture syntaxique. Quelqu'un va se demander, bon, d'accord, mais où est le prédicat? Où est le sujet? Où est le khabar de sabi'un? Ben, le Sibawé et Khabar et Al-Khalil Farahidi, ils répondent que le prédicat est sous-entendu. Il est ce qu'on appelle Muqaddar. Et que si on le mettait en évidence, il serait Wassabi'una Kazalik. Les Sabi'ins également. Wassabi'una Kazalik. C'est comme si Allah disait, et à ces trois, c'est-à-dire Ladina Amano, les croyants, ceux qui ont adopté le judaïsme et les chrétiens, à ces trois, j'ajoute les Sabéens. J'ajoute les Sabéens. Pourquoi? Parce que les Sabéens sont des idolâtres, sont des païens, des mages, et ils sont loin des juifs et des chrétiens qui détiennent au moins un livre et qui croient à certains prophètes. Donc, c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a distingués. La preuve, c'est qu'avant ce verset-là, Allah a dit قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. Dit au Muhammad, dit, قل يا أهل الكتاب, aux gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, vous n'êtes conformes à rien, c'est-à-dire vous n'êtes sur aucune voie, tant que vous n'appliquerez pas la Torah et l'Évangile et ce qui a été descendu vers vous de la part de votre Seigneur. Donc il s'est adressé à eux, à ceux qui ont cru à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au début de surat al-Ma'ida, puis il s'est adressé aux juifs et aux chrétiens, mais il ne s'est pas adressé aux sabéens, aux païens. Et dans ce verset, il les a ajoutés. C'est pour cela qu'il a mis les sabéens au nominatif, marfou', en tant que nouvelle information. Donc le waw du commencement, il est approprié ici. Et le waw de commencement, il est connu. Les grammairiens le connaissent. On le trouve dans les livres de grammaire. Et les Arabes d'avant l'islam l'utilisaient. L'un des poètes, il disait: Famayaku amsa bil madinati rahluhu, fa inni wa qayyarun biha la gharibu, fa inni wa qayyarun biha la gharibu. Il dit: je suis et qayyar, étranger dans cette cité. Il parle d'une cité et il est étranger à cette cité. Il dit: je suis wa qayyar. Qayyar, c'est le nom de son cheval. Il dit: moi et mon cheval sommes étrangers dans cette ville. Il dit: je suis, fa inni, donc inna, harfu nasbin wa tawkid, le inna. Et c'est un bon préposition bon qui exprime l'affirmation et qui introduit et qui gère à l'accusatif le nom qui vient après. Donc fa inni, moi, qui est un ism inna, le pronom moi qui est géré par inna, qui est à l'accusatif. Wa qayyar, normalement wa al'atf, et qayyar, waw, il y a le waw, la conjonction qui vient juste après. Et qayyar, au lieu de dire wa qayyaran, normalement il doit le dire wa qayyaran, il a dit ici wa qayyarun. Qayyar, c'est le nom de son cheval, il est à l'accusatif. Il doit être normalement à l'accusatif. Mais lui, il l'a mis au nominatif, il l'a mis au marfou'. D'accord ? Wa inni wa qayyar. Donc waw, waw, l'istinaf, c'est une conjonction de commencement, c'est une waw de commencement. C'est un waw de commencement. Donc ça, c'est connu en langue arabe. Et le waw de commencement, il est employé même dans d'autres versets du Coran, comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il dit: Summa qada ajala wa ajalum musamman 'inda. Puis a fixé un terme et un autre terme déterminé fixé auprès de lui, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Al-An'am. Summa qada ajala, ça c'est une phrase. Wa ajalum musamman 'inda, ça c'est une phrase, il diffère, c'est-à-dire le waw, c'est pas une conjonction qui lie, de coordination qui lie les deux phrases, mais là c'est comme si il y a une phrase nouvelle qui vient. Le waw, il a commencé une nouvelle phrase. Wa ajalun, ajalun c'est un mubtada. Ça, il devient dans ce cas un mubtada et non pas ma'touf. D'accord ? Il y a d'autres explications de cette différence, d'autres analyses syntaxiques, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais c'est dire que pour chacune de leurs shubuhat, nous avons plusieurs réponses, pas une seule réponse, pour dire que notre religion, notre Coran, sont consistants et riches. Le docteur Fadel Samouraï, il est connu, il est encore vivant. Le docteur Fadel Samouraï, connu et linguiste, connu, reconnu, et exégète, il a sorti une finesse de ce verset. Il a cité ce vers de poème de Jarir. Jalil, c'est un poète anti-islamique. Il a cité ce verset-là. Il a dit: Inna al-khilafata wa al-nubuwata fihim wal-makrumatu wa sadatun atoharu. Inna al-khilafata wa al-nubuwata fihim wal-makrumatu wa sadatun atoharu. Normalement, bon, Inna, c'est une particule intensive, hein, elle marque l'affirmation. Je peux traduire par certes ou vérité ou en vérité. Et là, le poète, qu'est-ce qu'il fait? Il vante le mérite d'une tribu. Il dit que la khilafa, le califat, le pouvoir et la prophétie se trouvent chez eux, chez cette tribu-là. Il dit: Inna al-khilafata wa an-nubuwata fihim. La khilafa et la prophétie se trouvent chez cette prophète, cette tribu-là. Wal-makrumatu wa sadatun atharu. Il dit: et l'hospitalité aussi. Mais là, il dit wal makrumatu. Normalement, il doit dire wal makrumati. Il doit suivre le régime syntaxique des noms qui est la continuité de la phrase. Al-khilafata, nubuwata, il makrumat. Normalement, le makrumati, puisque c'est un pluriel régulier féminin, ben, il se termine par une kasra quand il est mansoub. Wal makrumati. Mais là, il dit wal makrumatu. Il a créé une rupture syntaxique. Il a fait au nominatif. N'a pas suivi le régime de Inna. Pourquoi? Ben, le poète a prononcé différemment ça. Pourquoi il a prononcé différemment sa dernière voyelle? Ben, écoutez, le califat, le pouvoir, quelque chose d'éminent. La prophétie, c'est quelque chose, c'est un privilège. Quant à l'hospitalité, il est connu, il est moins éminente que le califat et que la prophétie. Et donc, il est un degré moindre, il est en deçà. Et puisqu'il est moins éminente, il a mis le nom au kamarfoua. il a mis le nom au nominatif. Ben pareil pour ce verset-là. Les Sabéens ne sont pas des gens du livre, ce sont des païens. Majus, c'est comme les Majus. C'est pourquoi Allah ne les a pas cités avec la même affirmation, que les Juifs et les chrétiens. Hein? J'espère que vous avez saisi cette nuance. C'est subtil, mais elle prouve la précédence du Coran. D'accord? Certains vont dire pourquoi il ne l'a pas mis au nominatif dans Sourate Al-Hajj. Inna alladhina amanu wa alladhina hadu والصابئون والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. Dans Sourate Al-Hajj, il n'a pas dit والصابئون, il dit والصابئين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا. والصابئين il l'a mis à l'accusatif. Il dit pourquoi ici dans Sourate Al-Hajj c'est la même chose? Non, ce n'est pas la même chose. La preuve, d'ailleurs, il n'y a pas de répétition. Ça, c'est un sujet qui doit être traité à part. Il n'y a pas de répétition dans le Coran. Même si vous trouvez un verset pareil, deux versets identiques dans des sourates différentes, ils n'ont pas la même portée, ils n'ont pas le même sens. Il n'y a pas de répétition. Pourquoi dans Sourate Al-Hajj il a mis à l'accusatif, il a suivi le régime de Inna? Ben parce que dans la suite du verset, il dit Allah tranche entre eux, juge entre eux. Et puisqu'il va juger entre eux, il ne doit pas faire de distinction entre les juifs, les chrétiens, les musulmans et les sabéens. C'est-à-dire il doit juger équitablement, il ne doit pas pencher vers l'un ou l'autre. Et puisqu'Allah dit dans le reste du verset, il dit Inna Allah yafsilu baynahum yawm al-qiyama, Allah tranchera entre eux. Ben, comme vous le savez, le juge ne doit pas pencher vers l'un ou vers. Même quand il les appelle par leur nom, il ne doit pas prononcer le nom de celui-là et le prénom ou l'autre se contenter de prononcer son nom. Non. Équitablement, même quand il les appelle. Ici, dans Sourate Al-Hajj, Allah va trancher, donc sans distinction. Et c'est pour cela qu'il n'a pas créé, qu'il n'y a pas de rupture syntaxique. Ici, il n'y a pas de distinction entre les Sabéens et les autres gens qui adoptent d'autres religions. D'accord? Donc, il n'y a pas, dans le jugement, il n'y a pas de penchement, il n'y a pas de haïz, il n'y a pas de flatterie ni quoi que ce soit. Donc, il convient qu'il les emploie toutes sous une même forme syntaxique. J'espère que vous avez saisi, inchallah, cette nuance. Bon, autre chouba, ça c'est la chouba la plus répandue, c'est à propos de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. Ça c'est dans Sourate Nisa. Mais ceux d'entre eux qui sont enracinés dans la science et les croyants croient à ce qui a été descendu vers toi et à ce qui a été descendu avant toi, ainsi que ceux qui accomplissent la prière, qui s'acquittent de le monde légal et qui croient en Allah et au jour dernier, à cela nous accorderons une récompense magnifique. Voilà, j'ai traduit ce verset-là. لكن الراسخون في العلم. Ils ont dit que المقيمين الصلاة. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة. Ils ont dit que le muqimin as-salah n'a pas suivi le même régime syntaxique que le rasikhoun. La particule lakin n'a pas d'effet syntaxique, à ne pas confondre avec lakin qui régit à l'accusatif le mubtada et au nominatif le khabar. Là, il n'a pas d'effet. Il y a lakin et lakinna qui est la sœur de inna ici, à ne pas confondre avec ce lakin ici. Et Rasikhoun, c'est un mubtada, c'est un sujet mubtada, il est marfou', il est au nominatif. Puis il y a le waw, conjonction de coordination. Lakin Rasikhoun a fait le ilmi minum, wal mu'minoun. Donc il est aussi au nominatif, il a suivi le même régime. Mais ils disent arriver al muqimin, as-salah, là il y a discordance, il y a rupture. D'accord? Ils disent Rasikhul Mu'minun, puis changement de désinence, Wal Muqimin. Puis juste après, retour au régime syntaxique, au régime syntaxique, la continuité de l'énumération, depuis Rasikhun, Wal Mu'tun Az-Zakat. Ils disent pourquoi tout d'un coup il y a ce changement dans la lecture des énonciels. Hein? Erreur grammaticale, allègue-t-il. Ils disent normalement la phrase devrait être لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنهم voilà راسخون au nominatif والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليكم أنزل من قبلك والمقيم ils disent au lieu والمقيم ils disent والمقيمون الصلاة comme ça ils disent il faut qu'elle soit والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر الراسخون المؤمنون المقيمون الصلاة المؤتون الزكاة المؤمنون بالله واليوم الآخر صديق المقيمين il n'est pas il n'a pas suivi cette la continuité c'était la continuité de l'énumération. Bon, la réponse à cette chouba, ben les grammairiens disent que le waw qui précède al-muqimin qui est l'accusatif, Il appelle cette waw wawun a'tiradiya. C'est un waw non pas de conjonction. Ce n'est pas une conjonction de coordination. Ce n'est pas une proposition commutative waw al-ma'iyya. Ce n'est pas waw al-hal. Ce n'est pas. Mais c'est un waw introduisant une rupture énonciative et une rupture syntaxique. Comment ils expliquent cette flexion, ce nasb au cas accusatif? والمقيمين au lieu de والمقيمون ils disent هذا نصب على الاختصاص suivez-moi هذا نصب على الاختصاص c'est une conversion au nominatif qui introduit l'ikhtisas la spécification c'est-à-dire que dans notre cas dans notre verset c'est pour insister sur ceux qui prient que المقيمين الصلاة a été mis à l'accusatif. Si le muqimin est mis à l'accusatif mansoub au milieu de termes mis au nominatif, c'est-à-dire au cas sujet, au sein d'une longue énumération, c'est pour montrer son importance. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala disait لكن الراسخ c'est comme s'il disait وأخص بالذكر المقيمين الصلاة. Il a dit لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون الراسخون والمؤمنون et puis quand il est arrivé المقيمين الصلاة il dit et je cite c'est comme s'il disait et je cite en particulier ceux qui prient et c'est pour les mettre en évidence d'accord il voulait les mettre en évidence montrer leur mérite donc il a fait cette inflexion ce changement ce changement fortuit au sein de cette longue énumération. Comme a dit Sibawé, il a dit la conversion au nominatif qui relève de l'éloge ou de la bienveillance, et dans notre verset, c'est ça, Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge de ceux qui prient. Il dit Sibawé, la conversion au nominatif. À la conversion à l'accusatif au mansoub la conversion à l'accusatif qui relève de l'éloge ou de la bienveillance n'intervient dans la parole éloquente que pour fournir un enseignement utile et il s'agit ici ça, elle parle de ce verset et il s'agit ici de la mise en évidence de l'éminence de la prière donc pour montrer l'importance de la prière il a Allah subhanahu wa ta'ala fait cette inflexion. Et semblable à cela, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate al-Baqarah, laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wa al-maghrib, la piété ne consiste pas à tourner vos faces du côté de l'Orient ou de l'Occident. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر لبيبيتي et celle de celui qui croit en Allah au jour dernier والملائكة les anges والكتاب les livres والنبيين les prophètes وآت المال على حبه il a dépensé l'argent et il a fait des dépenses pieuses على حبه malgré l'amour qu'il porte pour cet argent ذوي القربة c'est-à-dire il a donné cet argent وأتى المال على حب ذوي القربى إلى دون سيت أرجون أو بروش واليتامى لي زورفولان والمساكين لي بوفر وابن السبيل لي جون لي فواياجور لي جون دو باساج والسائلين سو كي دوموند وفي الرقاب دون لافرانشيسمون دي نوك دافرانشيسمون des esclaves وأقام الصلاة وآتى الزكاة etc. puis il a dit والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ceux qui respectent leur pacte. Mais il a dit ici والموفون dans le même régime syntaxique depuis le début de la, du verset, puisque le verset est long, depuis le début jusqu'ici والموفون il est au nominatif مرفوع, mais tout d'un coup il dit والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس والصابرين في البأساء والضراء, et ceux qui sont patients dans l'adversité, le malheur et au moment du danger. الموفون au nominatif et والصابرين à l'accusatif منصوب. Pourquoi il a fait cette rupture صابرين au lieu de والصابرون, au lieu de والصابرون? Mais pourquoi? Il l'a mis. La raison, c'est quoi? C'est l'éloge. C'est comme si Allah disait, et je loue en particulier les patients. Donc, bien qu'il y ait, bon, il y ait le waouh entre le moufoun et le sabirin, et là, Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis au nasb, sabirin, à l'accusatif, il a changement de flexion, hein, pour attirer le lecteur, pour attirer l'attention du lecteur, pour insister sur quelque chose de louable. Donc c'est ce qu'on appelle an-nasbu 'ala al-madh. An-nasbu 'ala al-madh aw al-dhamm, c'est très important. C'est ce que les savants de la grammaire disent. Ils disent que cette flexion elle attire l'attention du lecteur pour insister sur quelque chose de louable, comme notre cas wal muqimin as-salat dans la sourate An-Nisa, et comme dans notre verset là que je viens de citer was-sabirin, ou de quelque chose de blâmable, c'est-à-dire pour attirer l'attention vers quelque chose de louable ou quelque chose de blâmable, c'est-à-dire dans les deux cas, il y a cette flexion-là. Exemple du cas blâmable, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, surat al-Masad, وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. Ça c'est dans Qira'at Hafsa an Asim, parce que nous en français en Europe, ceux qui lisent riwayat Hafs, ils lisent وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ وَرْشَعَ النَّافِعِ هِيَ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ. Donc selon cette qira'a-là, حَمَّالَةَ الْحَطَبِ, selon cette qira'a, c'est un nasb ala al-dham, c'est ce qu'on appelle nasb ala al-dham. سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبِ, سَيَصْلَى, il brûlera dans le feu qui comporte des flammes. Ça c'est Abu Lahab, ça est cela, le verbe ça est cela brûler, et le verbe c'est un damer, un mustatir sous-entendu. Le damer, le pronom, il renvoie à Abu Lahab qui est le fa'il. Ça est cela, Abu Lahab, naran dhat al-lahab, le fa'il, il est au nominatif. Wa mara'atuhu, il est, puisqu'il a la conjonction qui sépare dhat al-lahab wa mara'atuhu, c'est une conjonction de coordination, donc wa mara'atuhu il est au marfou', il est au nominatif mara'atuhu. Et hammalata, c'est une épithète, c'est un adjectif na't. Or le na't doivent être de la même classe syntaxique que le nom qu'il qualifie. Mara'atuhu il est marfou', normalement hammalata doit être marfou', hammalatu normalement hammalatu al-hatab, mais là dans, selon qira'at Hafs, il est hammalata al-hatab. Pourquoi حَمَّالَةَ الْحَطَبِ? Il y a là une flexion. Hein? C'est un mansoub à l'accusatif. Pourquoi? Pour insister sur sa malédiction. C'est comme si Allah disait, et sa femme, et je précise, et j'insiste, et je spécifie, je la blâme en particulier. مَنْصُوب عَلَى الْإِخْتِصَاصِ بِالذَّمِ. Ça, c'est très répandu dans la poésie arabe péri-islamique. C'est très répandu dans la langue arabe. Et les grammiens le connaissent. Mais goûtez avec moi cette éloquence. Omar atuhu, hammalatu, non, il dit hammalat al-hatab. Pourquoi? Là, Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie un message. C'est qu'il dit, omar atuhu, je la blâme en particulier. Et c'est pour ça qu'il a, Allah subhanahu wa ta'ala, fait cette flexion-là. Cette rupture syntaxique, ce changement de désinence, de désinence, de arabe. Voilà, les choubouettes sont trop, très nombreux. Bon, Voilà, j'ai conclu avec cette chouba-là, cette chouba-là avec laquelle il attaque les orientalistes et d'autres détracteurs de l'islam. C'est très répandu. Bon, ils ont fait ça. Ils ont écrit des livres sur ces choubouhats-là. Surtout bon, en Égypte, les Coptes et tout. Ils s'aiment ce genre de choubouhats. Voilà, Inch'Allah, la prochaine fois, bon, on va commencer ce qu'on appelle l'état du texte. L'état de la. On a terminé le gharib, le vocabulaire, on a terminé la syntaxe. Et on passe maintenant à la portée des textes et la manière de déduire le hukm d'un texte. Ça, c'est le travail, le grand travail du mufassir, de l'enseignement, l'explication du texte, sa portée. Est-ce qu'elle est générale ou particulière? Est-ce qu'elle est mansour? Est-ce qu'elle est nasr? Est-ce qu'elle est aussi, c'est le style, la figure de style, les quoi, il est. Est-ce que c'est une ellipse synecdotique? Est-ce que il a procédé par concision? Est-ce que etc. etc. Voilà. Voilà, inshallah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.